Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Une vague de spasmes traverse le corps de Nephraim. Son nombril est l'épicentre de la convulsion. La vibration court sur sa peau, creusant des fissures dans la peinture de guerre jaune répandue sur son torse noir. Il ressemble à une guêpe humaine. L'eau sombre du marais lui arrive aux genoux, et il observe les silhouettes qui se tiennent sur la rive opposée. 30 pas le séparent des 9 créatures qui l'attendent. 8 lépreux immobiles, 5 hommes, une femme et 2 enfants, tous immobiles. Les cheveux emmêlés. Ils sont armés de lances aux pointes crochues comme le dard d'un insecte. Le stigmate frankéen luit sur leur poitrine. Ce sont donc des faux bourdons. J'en fais une toute petite, un tout petit résumé, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas abordé cette... Les lépros, ce sont les humains qui ont été infectés via trop de spores, soit parce qu'ils ont consommé trop de brûlures, soit parce qu'ils ont été infectés d'une manière ou d'une autre, en consommant des aliments infectés, par exemple, et qui du coup deviennent de véritables esclaves à la mort, c'est notamment des esclaves aux phéromanciens, ces espèces de homodégénésis mi-homme mi-insecte qui construisent de gigantesques ruches dans les marais. Par stigmate frankéen aussi, c'est un truc qu'on avait abordé par le passé, c'est les espèces de symboles de chakras qui se dessinent sur le corps des personnes justement par exemple qui sont contaminées et qui indiquent du coup leur qui démontrent leur assouvissement. Et du coup, leur nom qu'on leur donne en francas, ce sont les faubourgs. Le phéromancien dépasse ses serviteurs d'une bonne tête. Filiforme, il les surplombe tel un squelette au cuir pâle. Sa tête est enflée, son front rougeau bombé comme une enclume de chair. Le visage d'un aberrant est si déformé que seul son nez et sa minuscule mâchoire sont visibles au-dessous. Nephraim, l'homme guêpe dont je parlais tout à l'heure, celui qui est juste peint. D'ailleurs, maintenant vous le savez, c'est la fameuse huile de Marduk, l'huile qui protège les gens qui se déplacent dans les marais. Donc un Africain recouvert d'huile. Nephraim sent une seconde vague arriver. Ses muscles se crispent alors que les spasmes lui fouillent les tripes. Le phéromancien tente de prendre son contrôle, mais l'Anubien résiste au prix d'efforts acharnés. L'épaisse huile de Marduk repousse la créature, mais pour combien de temps encore? Nephraim sent l'incroyable pouvoir de la créature dans la moindre contraction de ses muscles. Il ne tiendra plus très longtemps. Courageusement, il avance de 3 pas en direction de la rive opposée, son regard fixé sur l'aberrant. Nephraim s'exprime. Mournakir, je suis venu faire la paix. Nephraim lutte pour prononcer chaque mot. Il peut littéralement goûter les étouffantes effluves du psychonaute. L'odeur lui colle au palais comme de la cire fondue. chaque inspiration déverse davantage de poison dans ses poumons, provoquant des vagues de spasmes que son corps emploie pour combattre l'influence de l'aberrant. Un sourire grotesque apparaît sur les lèvres de Mornaki, dévoilant ses dents pourries. Soudain, une poignée de guêpes fonce sur Néphraïm. L'Anubien s'arrête net. Elle se dirige directement vers sa tête et ne change de direction qu'au tout dernier moment. Des feintes. Le phéromancien le met à l'épreuve. Néphraïm serre les dents à s'en étouffer. Il doit résister. Il ne peut pas se permettre de succomber à la peur et de la laisser s'insinuer dans son cœur. L'autre attend simplement le bon moment pour capturer son esprit et l'ajouter à sa collection de proies malchanceuses. Une guêpe s'arrête abruptement juste devant le visage de Néphraïm. Ses ailes battent frénétiquement pour la maintenir en l'air et sa minuscule tête s'agite d'avant en arrière alors que ses antennes tendues tressaillent. L'Anubien plisse les yeux et saisit le regard du phéromancien sur la guêpe. Et il l'écarte d'un geste. Merde ! La femelle faux-bourdon en a profité pour ramper jusqu'à lui et sa lance cherche avidement la gorge de Néphraïm. Ce dernier recule et saisit la hampe de bois, frappant de son coude. Il brise l'arme en deux. La léprose attrape son bras et ses ongles en les enfonçant dans sa chair. Les yeux du faux-bourdon sont injectés de sang, sa bouche grande ouverte et prête à mordre. L'Anubien, lui, décoche un coup de poing à la mâchoire et la disloque. Des dents brisées lacèrent les articulations de sa main. La léprose titube, deux pas en arrière, puis s'écroule dans l'eau. Du coin de l'œil, l'Anubien repère un second attaquant. Il plonge sa main ensanglantée dans l'ouverture de sa sacoche en cuir et s'empare de la créature écailleuse à sang-froid qui s'y trouve. À la vitesse de l'éclair, Néphraïm se retourne vers le léprose tout en sortant quelque chose de sa sacoche. Il relâche le mamba noir qui étreint son avant-bras. La tête du serpent s'élance sans pitié depuis la paume de l'Anubien et les crochets de l'animal s'enfoncent dans le front du faux-bourdon, libérant leur venin. D'un mouvement fluide, Néphraïm ramène son bras en arrière, attire le reptile et le glisse rapidement dans sa sacoche. Le léprose hurle de douleur, agite les bras puis s'écroule paralysé. Une substance mousseuse s'écoule de sa bouche tandis qu'il s'enfonce dans l'eau peu profonde du marais. Assez ! La voix rauque de Mornakir plane un instant au-dessus du marais. Néphraïm regarde en direction du phéromancien. Les autres faux-bourdons s'éloignent de l'Anubien. Le roi Machiaen accepte ton offre, grogne la créature. Lentement, elle s'avance de quelques longues foulées dans l'eau saumâtre. À chaque pas en direction de Néphraïm, le marais clapote et des bulles grêlent à la surface. Le phéromancien tient un rayon de miel entre ses doigts noueux. Le cœur de l'Anubien n'est pas loin de s'arrêter dans sa poitrine. Jamais il ne s'est retrouvé aussi près d'un aberrant. Il peut sentir le souffle de Mornakir. Celui-ci se répand dans l'air comme l'odeur d'un cadavre, couvrant tous les autres. Les veines de son front rouge luisant se mettent à battre alors qu'il brise le rayon de miel en deux. Partage le nectar de Machiaen avec moi, et nous ferons la paix. La créature offre à Néphraïm une moitié de rayon de miel. La substance dorée coule des mains de l'aberrant et se mélange à l'eau poisseuse. Le marais est désormais la nouvelle frontière. L'Anubien hésite un instant. Puis il saisit précautionnellement l'offrande et la porte lentement à sa bouche. Il étudie le moindre mouvement de l'autre, tandis que ce dernier dévore sa part de miel. Tu es un homme guêpe. La voix de Mornakir s'écoule de sa minuscule bouche. Parlez de moi à ton roi. Sur ces mots, le phéromancien tourne le dos à l'Anubien et se dirige vers la berge. Il bourdonne quelques fois comme un essaim de guêpes frénétiques, ordonnant à ses serviteurs de le suivre. Néphraïm les observe jusqu'à ce qu'ils aient disparu entre le bosquet du marécage. Puis il se regarde, voit les peintures de guerre et pousse un long souffle. L'huile noire et la peinture jaune l'ont sauvé, son serpent et son dard. Il rit incrédule. L'homme guêpe. Et c'est là-dessus, du coup, que je vais terminer cette introduction. Sachant que, du coup, pour information, c'était il y a exactement... Et je n'en trouve plus, mais c'était il y a longtemps. Et du coup, pour information, Néphraïm, l'Anubien dont nous venons de suivre les aventures, c'est le cousin de Hamza Aboubakar III. Et c'est un Anubien? C'est un Anubien, ouais. Donc le culte un petit peu croyant, les médecins et les prêtres. D'accord, donc c'est intéressant. Donc en fait, les Africains, c'est vraiment le même peuple, entre guillemets. Et un Néolibien et un Anubien, c'est vraiment genre... C'est pas comme un Anabaptiste, quoi. C'est un front uni entre trois différents cultes, ouais. Même s'il y a des rivalités entre les trois, mais les fléaux, c'est les soldats, les Néolibiens, c'est ceux qui vont commanditer un petit peu tout, qui vont acheter des concessions et faire du commerce. Et les Anubiens, c'est un petit peu les prêtres auxquels ils vont se confier. Et bon, chacun a besoin des deux autres. En fait, c'est un peu des castes du même société. Il y a des castes. Exactement. Des clans comme nous, on a, où c'est vraiment pas des sociétés à part. Et là-dessus, nous allons commencer à l'intérieur de la sacristie rouge. Ce matin n'est pas comme les autres. En effet, nous allons observer le départ de Efflux en début de matinée. Un messager est venu porter assez tôt dans la journée suivante Adonai, que Efflux avait envoyé en mission, et de retour en ville, dans la cachette où il s'était déjà rendu, et souhaiterait lui parler. Évidemment, Adonai est censé être mort officiellement, donc il ne peut pas se permettre de sortir. Et du coup, Efflux simplement s'en va pour une durée indéterminée. Et du coup, forcément, vous l'avez compris, la petite pirouette métanaère reviendra lorsque Margot sera de nouveau disponible. Dans tous les cas, pas de raison de vous inquiéter là-dessus. En tout cas, pas pour ça. Il y a plusieurs autres raisons de vous inquiéter. Pour faire un petit rappel de la dernière fois, vous avez eu deux sessions à l'intérieur de l'orphelinat de Saint-Chenil, qui ont été assez fructueuses, et qui ont fini par l'achat total de ce dernier, mais que vous devez rendre rentable, puisque vous allez devoir verser une somme d'argent chaque semaine à Vérican. En échange, celui-ci vous a aidé à financer vous a fourni 2000 lettres de change, mais ces 2000 lettres de change vont dès maintenant commencer à descendre, puisque tous les lundis on va actualiser l'argent du groupe. En effet, vous avez actuellement 500 lettres de change et 2000 dinars, et si on regarde coûts que vous avez à faire chaque semaine et ce que vous gagnez. Donc pour rappel, vous gagnez de l'argent du serveur, le serveur vous fournit 250 lettres de change chaque semaine. Toric, toi t'as solde de famulancier, de Saint-Terrain. Et nous avons qui a instauré quelques systèmes de dons au niveau de la sacristie rouge. Ils sont pas énormes pour l'instant, parce que les gens sont pas très anabaptistes, mais de temps en temps vous avez un gars qui dépose quelques petites piécettes, enfin quelques petits dinars. Mais bon, en échange, vous devez financer Sacré Amiel et l'orphelinat. Vous devez nourrir tous ces gens, donc ça fait énormément de monde à nourrir. Là, forcément, dans l'état du monde actuel, ça vaut une fortune. Donc, 200 dinars pour Sacré Amiel, ce qui est déjà une somme réduite par rapport à la somme initiale, puisque vous avez envoyé Lichen à plein temps qui doit trouver un moyen de les nourrir. Donc, choper des plantes, etc. Et l'orphelinat, pareil, la somme est divisée par Dali, puisqu'elle y installe des jardins. J'ai pas poussé le vice au point... J'ai simplement considéré qu'à partir du moment où vous envoyez quelqu'un s'occuper d'un endroit, ça divise les coûts par deux. J'ai pas poussé le vice à aller calculer le temps qu'allait prendre les plantes à pousser pour réduire le coût au fur et à mesure. On va faire un truc stable. Ce sera plus simple. on n'est pas là pour jouer à Flight Simulator. Pas regarder il vaut mieux investir dans des carottes ou dans des aubergines, voire plus rentable sur le long terme pour nourrir ses enfants. Elle vous fait un jardin, c'est elle qui s'en occupe, et vous payez 10 dinars par semaine pour nourrir un orphelin, ce qui est déjà ridicule du coup, heureusement, puisqu'elle réduit la somme, sinon c'est plus cher. Et enfin, vous devez l'argent à Vérican, ce qui fait qu'au final, j'ai pas mis à jour la somme, en fait vous perdez énormément d'argent, vous perdez... 550, 700, vous perdez 700 dinars par semaine et vous gagnez 250 lettres de change. Il va y avoir un problème. Ouais. Qui fait que vous allez rapidement vous casser la gueule, puisque là, on passe... alors, vous gagnez quelques lettres de change. Vous passez à... pas mal, mais bon, pour rappel, le cours est très mauvais. Mais par contre, vous passez de 2000 dinars à 1300. Donc, vous voyez bien que, bon... ouais. Sur le long terme, c'est pas viable, clairement. Mais bon, j'ai cru comprendre que... vous avez déjà plus ou moins en tête l'idée de faire sauter la dette que vous aviez auprès de Vérican une fois que vous serez dans les bonnes grâces. Parce que ce dernier a beaucoup plus de pouvoir que lui en ville. Hein. Vérican est plus là histoire de faire bonne figure. Hein. C'est mm-hmm. un peu la reine d'Angleterre. Quoi. Ou quoi, non, mais vous avez compris. Ouais. le parallèle. Bah, peut-être un peu trop loin, mais voilà, c'est plus une figure représentative. À Toulon, plus qu'un vrai décideur, il a quelques histoires, il engage dans certains trucs, mais concrètement, il contrôle absolument rien du tout. Ça peine s'il contrôle son propre quartier. Enfin, du coup, vous passez pardon, à 750 lettres de change et 1300 dinars. Donc vous avez une énorme paire de dinars, mais vous gagnez des lettres de change un peu. Le cours en ce moment est de 2 lettres de change de dinars. Ce qui n'est pas le moins bon que vous ayez connu, mais bon, c'est vrai que c'est toujours compliqué. C'est que ça divise énormément vos revenus du serveur. simplement, aussi pour finir ma petite introduction, vous savez que dans 1, 2, 3, 4, 6 jours, vous allez avoir une visite des ferrailleurs pour cette histoire de lettres de change. Donc vous pouvez mettre ça de côté, et du coup, je vous propose de diviser la session ainsi, celle-ci et peut-être la prochaine aussi. Je vous laisse faire tout ce que vous voulez, vous avez plein de choses à régler, etc. Donc là, on est vraiment libre. Vous me dites ce que vous souhaitez faire, je vais pas vous prendre par la main. Mais si à un moment vous bloquez et que vous savez plus quoi faire, eh bien entre guillemets on fait une ellipse et on passe au lendemain où il se passe peut-être certains événements qui vont vous relancer sur d'autres. Moi je le sais, évidemment je vais pas vous en dire plus. Parce que c'est des choses qui sont... Bon, c'est le futur quoi. Mais du coup, voilà, en attendant, je vous laisse me dire ce que vous avez prévu de faire pour aujourd'hui. Évidemment, toi, Toric, à ce moment-là, t'es censé être de l'autre côté, mais je pars du principe que tu les rejoins le matin. Tu les rejoins la sacristie. Alors, moi, déjà, je voudrais inscrire quelque chose au calendrier. Donc, sans doute pas faire tout de suite. Alors, dis-moi si je me trompe. Oui. Mais il me semble que du coup mercredi de la semaine passée j'ai été donc dans le centre de Saint-Chenil, sur la place centrale de Saint-Chenil en fait. Je crois que je sais plus si c'était mercredi, enfin peut-être qu'on peut. Oui, et tu leur avais laissé une semaine pour te donner rendez-vous. Ouais, je leur avais donné une rendez-vous. Est-ce que c'était mercredi ou... Alors c'était le dimanche, du coup ça arrivera le dimanche. Du coup c'était la session d'hier. Très bien. Enfin d'hier. Okay. Oui. En effet, ça, il faut que je différencie mes petits visées. Moi, bien, je te remercie, tu m'as éclairé, en fait c'est ça que j'avais oublié de noter. Parfait, bah du coup le dimanche tu auras ton groupe qui vous retrouvera et le samedi vous avez les ferrailleurs qui... Nickel. Sachant qu'on fera peut-être une ellipse dans la semaine entre deux sessions si jamais on a plus grand chose à faire. Évidemment. Mais ça nous laisse un petit peu de marge si vous voulez lancer vos propres trucs, essayer de régler vos propres trucs. Sachant que vous pouvez consulter dans les objectifs personnels un petit peu les choses que vous devez faire personnellement. Pour décider ce que vous allez faire du temps approprié pour les développer. Ou alors un petit peu les accroches en cours que vous avez. Même si vous en avez résolu une, c'était la mort de Lichen. Juste une rapide question. C'est quoi le 60% qui est écrit en plein milieu là ? Alors oui, j'ai compris moi. Ouais. C'est les travaux. C'est ça, c'est ça. La tyrolienne, c'est ça ? Exactement, je l'augmente de 10% de temps en temps et okay. À 100% on aurait la tyrolienne qui sera complètement fabriquée. D'accord. C'est le projet actuel de Dobby. Ok, d'accord. Parce que pendant un moment, j'ai cru que c'était. Moi, quand je zoome, j'ai cru que c'était le chiffre de ce pourcentage de zoom. Je dis, mais. Exactement. Mais ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça... Donc, ça va. Ça vient de toi, donc, très bien. Moi, perso, une fois, de toute façon, que je me suis un petit peu occupé des deux gamins, puisque qu'on avait ramené, qui étaient blessés de l'orphelinat, également. Des ferrailleurs qui doivent passer de façon journalière ceux qu'on avait défoncés dans le quartier, puisqu'ils devaient à chaque fois revenir et ils devaient payer les frais, parce qu'on leur avait, on leur avait payé les frais la première fois et après les autres fois ils payent, bien évidemment. Je me rends du coup à l'orphelinat pour justement prendre en charge les enfants. Qui ont choisi de suivre la formation pour devenir des hospitaliers. Alors, de souvenir, je crois qu'il y en avait, tu m'avais dit, 20. Il y avait 20 gamins. Entre-temps, j'ai réussi à voir avec ma supérieure, donc la grande chef de l'hôpital, hein, pour récupérer des bouquins de formation d'hospitalier, donc le fameux livre que j'avais moi au tout début. Le manuel des médecins. Voilà, le livre de médecins, pour en donner, on va dire... Moi, je dois peut-être avoir une dizaine d'entre eux parce que bon, je ne trouve pas ça non plus n'importe où. Donc, pour qu'au moins il y en ait un pour deux enfants. Et commencer un peu à donner des cours et un peu éduquer ces enfants pour devenir des hospitaliers. Là, je profite okay. Un petit peu de ce moment-là pour ça. Du coup. Je vais rebondir du coup là-dessus directement, puis ensuite on passera aux actions des autres. Du coup, en effet, toi, tu commences à mettre à profit ta matinée pour du coup te rendre à la sacristie, récupérer quelques bouquins, ou alors probablement que tu les as déjà pris toi. Mm-hmm. Et du coup, tu vas directement te rendre au niveau de Saint-Chenil dans l'objectif d'aller les distribuer au niveau de l'orphelinat. Ta traversée de Saint-Chenil se fait relativement sans encombre, tu rentres dans ce quartier que tu commences à connaître. Tu vois, lorsque tu passes des mendiants et d'autres personnes, d'autres rejetés du coup de la société t'implorer à l'aide, t'entends leurs cris de souffrance, certains sont couverts de pustules, d'autres ont des membres en moins, certains sont probablement d'ailleurs d'anciens ferrailleurs blessés au travail qui n'ont pas eu de quoi se payer des soins, qui du coup finissent à déambuler dans le vieux quartier. Pour l'instant tu n'as pas prévu de t'occuper d'eux, de toute façon ils sont évidemment beaucoup trop nombreux pour une seule personne. Mais évidemment. Et tu finis par remonter la route en direction de Saint-Chenil. De l'orphelinat. Merci. Lorsque tu rentres au niveau de l'orphelinat, tu remarques un truc. Le bâtiment n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. En tout cas, surtout en termes d'ambiance. Mine de rien, ce qui s'est passé, l'espèce de changement, a l'air d'avoir... Déjà, pour la première fois, lorsque tu t'approches au loin, t'entends des rires. Et surtout, tu vois Dali essayer de mettre en route un petit peu tout le système. Elle demande du coup aux enfants de l'aider à créer les différentes installations, à remuer un petit peu la terre. Les dortoirs sont réaménagés. Puis finalement, le fait que certains enfants soient partis aussi libère un peu de place. Ce qui n'est pas oui. Plus mal pour l'endroit qui était complètement surchargé. Lorsque tu rentres, et d'ailleurs du coup je vais pouvoir changer de musique et quitter l'ambiance de l'église, dans les cathédrales, c'est plus approprié. Hop là, sachant que à l'occasion j'essaie même de trouver une musique appropriée pour chaque truc un petit peu à l'écrime justement, mais je trouve le temps de le faire. En attendant, ça suffira largement de me reposer sur les trucs. Et du coup, Lorsque tu rentres, déjà, bah, tu vois qu'il y a donc Dali qui vient. Elle a l'air assez souriante. Ça a l'air de lui plaire parce que probablement, elle se sent beaucoup plus utile. Et que Mokosh lui a donné un poste où vraiment elle a l'impression d'avoir un impact. Ce qui a l'air d'être sa motivation. Et du coup, elle est assez souriante, même si il semble avoir pas mal de tâches à faire. Et en te voyant arriver, et lorsque tu lui expliques un petit peu pourquoi t'es là, tu la vois tiquer un petit peu. Oui, bien sûr, c'est une très bonne chose. J'ai un peu peur, comment dire, pour les livres. Les enfants ne savent pas lire, il faudrait leur apprendre. Oh, c'est pas un problème, je peux tout à fait prendre en charge ces enfants. Vous pouvez considérer que ces 20 enfants-là, je me charge de à 100% en ce qui concerne leur éducation, que ce soit en tant qu'hospitalier et en tant qu'enfant, enfin, je veux dire, pour leur inculquer les bases. Oh, très bien, je vous remercie, c'est bien, parce que je j'ose avouer que je n'aurais pas eu le temps de m'en occuper moi-même. Et j'aimerais aussi vous demander un petit service, si jamais vous avez le temps. Pourriez-vous jeter un petit coup d'œil général à l'état bâtiment. On a des punaises de lit dans certains matelas et je pense qu'il faudra embrouler une partie, voire même les remplacer. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, les conditions d'hygiène globale s'améliorent. Eh bien, ce n'est pas pour me déplaire, j'avoue que sur ce point-là, mais je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer. Hospitaliers, nous accordons une importance assez importante. Importante, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Non, c'est très important pour nous que l'hygiène soit respectée. Et d'ailleurs, je vais voir de mon côté pour peut-être vous fournir de quoi faire fuir tous ces parasites. Nous avons quelques produits qui sont utiles par chez nous. Je vous remercie. De rien. À ce moment-là, tu vois qu'elle t'aide à installer quelques tabourets dehors qui servent à poser les élèves. Qui tu vas commencer du coup commencer par vraiment les bases, en plus d'un peu de théorie, leur apprendre déjà à lire en partie. Tu commences à faire la leçon. Et du coup, je vais te demander un test de charisme expression. Oula. Eh oui, ce n'est pas le plus simple, surtout pour toi. Mais si tu veux, tu peux dépenser de l'ego si tu veux le faire. Ah, mais j'en avais déjà dépensé pas mal la dernière fois. Donc après, j'ai dû en récupérer un peu. J'ai dû récupérer un petit peu. Moi, j'en ai utilisé 5. Il me restait 5 points d'ego. Après que j'ai fait tout ça. Je pourrais aller te payer un bon restaurant ce soir pour récupérer quelques points. Alors, tu m'as dit charisme. C'était quoi ? Charisme, expression, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, en fait, en réalité, il t'en reste 6, puisqu'il y a une nuit qui est passée. Bien, écoute, je vais en utiliser 2, hein, parce que sinon, je pense que ça va être un petit peu compliqué, sachant que ça ne me fait que 2. Hop. Donc j'ai 4... Ça va être intéressant de voir si tu perds des élèves ou si t'arrives à en attirer plus. Oh non, ouais. Le G va avoir de l'impact, donc c'était une bonne idée de dépenser 2 points. Je fais 2 succès, dont 2 déclencheurs. Oh, joli. Très bien, donc 2 succès, donc c'est un résultat relativement moyen. Tu vois que, les enfants ont envie d'apprendre. Et tu arrives à leur enseigner. Donc déjà, tu arrives à te rendre instructif. Je sais pas trop pourquoi, mais t'inspire quelque chose, peut-être la cicatrice sur ton visage qui donne ce côté sérieux, on dirait que t'as de la bouteille et en soi, on a. Et du coup, ça passionne un petit peu les gens. Forcément, bah, j'imagine qu'au niveau du bras, ça se voit pas forcément, en tout cas vu que c'est caché derrière la combinaison. Mais tu remarques également que à la fin, on va dire de la classe, enfin à la fin de la matinée, tu remarqueras qu'au fur et à mesure, d'autres enfants se sont un petit peu assis dans la terre derrière les autres et se mettent à écouter un peu attentivement. Et du coup, je vais augmenter ton nombre de fidèles à 25. Parce que deux déclencheurs, c'est joli. Ok. En tout cas, je souris et ça me fait plaisir de voir que finalement, ouais. Ces enfants ont soif de connaissances. C'est ça. Et du coup, alors que tu passes à 4 points d'ego, je vais t'en rembourser 1. Tu vas donc remonter à 5. Pour le simple principe que le fait d'attirer des gens et le fait un petit peu de redonner une âme à cet endroit, vous... Bah, te... On va dire... D'accord. Ça me requinque. Voilà, exactement. C'est un petit peu un plus-plus et ça aurait été un moins-moins si au contraire tout le monde s'attirait parce que... Si, ça t'aurait probablement tombé encore plus. Là-dessus, les autres, pendant que Torik est allé embrigader de nouveaux hospitaliers à Saint-Chenil, à l'orphelinat de Saint-Chenil, qu'est-ce que vous décidez de faire? Alors. Jacquard, dans l'immédiat, donc, à part les deux rendez-vous, du coup, il n'a pas grand-chose à faire. Si ce n'est une chose, mais qui mériterait sans doute que tout le groupe se déplace, puisque donc, la seule piste qu'il aurait pour le moment, ce serait qu'un de ses, une de ses cibles, pro du camouflage, tout ça, il aurait pu s'enrôler dans la résistance, qui est la milice qui sert à faire l'ordre à Terre Putain, qui est le quartier entre Cour-Argent et Port-la-Gagne. Donc, de souvenir, le quartier des classes moyennes, quoi. C'est somme toute, c'est ni trop riche ni trop pauvre. Et donc, la milice est une force importante là-bas, et elle est dirigée par Zoé. Et donc, ce serait, je pense, une bonne idée qu'on aille en groupe rencontrer, demander une audience à Zoé, en utilisant pourquoi pas le prétexte qu'on est missionné par Hamza pour enquêter sur ce trafic de lettres de change ou ce genre de choses, et donc prendre contact avec la résistance qui est sans doute un des groupes majeurs ici avec lequel on n'a eu aucun contact pour le moment. Mais du coup, je sais pas si ça a pris toute la matinée, toute la journée à Torik de faire classe. On prendra la matinée. Après, si jamais tu veux, vous pouvez peut-être vous y rendre. Si jamais ou tu le lendemain. Non, c'est pas obligé. Ou le lendemain. Mais toujours est-il que, voilà. Donc, il y a ça que j'aimerais bien caser et que je vous propose de faire ensemble. Et si, bah, du coup, Torik veut investir la journée ou que Mokosh a d'autres plans, et bah, je vais toujours faire la même chose, partir enquêter. En fait, je pense que si j'ai. Je propose qu'on fasse ça demain. Comme ça, tout le monde fait une petite journée pour soi-même, voilà. Et on y va tous demain en groupe. Et donc, du coup, ce que Jacquard va faire, c'est qu'il va. Passer la matinée à patrouiller dans Saint-Chenil. Il va pas juste se balader dans les quartiers de façon un peu discrète et en fait essayer de voir où est-ce qu'il y a des trafics de des trafiquants de bourgeons, ce genre de choses, essayer vraiment de voir où est-ce qu'il pourrait y avoir du crime, comment est organisé le monde malfamé de Saint-Chenil. Et l'après-midi, la soirée, il va la passer dans les tavernes de Port-la-Gagne pour essayer de glaner des informations sur ceci. Donc, matinée enquête crime organisé ou crime tout court à Saint-Chenil et en quête cible à Port-Lagagne, l'après-midi et la soirée. Voilà. Ok, très bien. De ton côté, Moka, je vais te laisser aussi me dire ce que toi t'as prévu de faire et après je vous ferai jouer du coup scène séparément les unes à la suite des autres. Eh bien, pour ma part, je suis resté à la sacristie rouge. Pour une bonne raison, c'est que j'ai envoyé, en fait, dès le plus tôt du matin possible, j'ai envoyé Lilith chez les orphelins, aller m'en récupérer un ou deux. Genre vraiment, c'est le max que je lui ai demandé, j'en voulais pas plus. Et me les ramener directement ici pour qu'on commence un vrai entraînement. Donc je lui ai laissé le choix de choisir, de voir quels étaient ses critères à elle. Je veux que ce soit elle qui décide un peu. Et tout simplement, une fois qu'ils sont ramenés à la sacristie rouge, je vais leur passer des bâtons ou des trucs comme ça. Pas les épées émoussées pour l'instant, parce qu'ils pourraient se couper la tête. Mais des bâtons et trucs comme ça, et je vais simplement leur apprendre à se taper dessus comme il faut. Dans les règles de l'art, bien entendu, je leur ai pas, je les ai pas juste envoyés se tabasser les uns les autres. Ouais, non, logique. Ok, très bien. Alors, nous allons commencer, je pense, par Jacquard. On reprend une ambiance que vous connaissez bien, celle du vieux port, un peu oublié, du coup, alors que tu te diriges en action de Saint-Chenil. Jacquard, donc, tu déambules au niveau des vieux quartiers, des quartiers oubliés et abandonnés de Saint-Chenil. Ton objectif est là d'enquêter un petit peu à droite à gauche, de fureter. Est-ce que tu vas habiller avec ton pour habitant? Pardon, excusez-moi. Vas-y, non, j'y vais vraiment incognito, sans armes, grand foulard autour des yeux, enfin autour de la tête et tout. L'objectif, c'est pas de pouvoir être repéré ou repérable. Très bien. Eh bien, je vais te demander un test instinct. Perception, avec du coup une difficulté de 5. Tu as 5 dés à jeter, excuse-moi. Je voulais t'indiquer pour pas que vous ayez regardé à chaque fois. Ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup pour juste une petite enquête de routine. Ok, bon, franchement, 5 dés, je vais pas dépenser des goûts. Je vais le faire venir. Oui. Non, la difficulté de 2. 3 réussites, dont un déclencheur. Très bien. Tu te déplaces à Saint-Chenil et il ne faut pas bien longtemps avant de remarquer, d'entendre des trucs qui vont pas. En fait, tu t'es enfoncé un petit peu plus profondément au niveau du quartier. Vous, généralement, vous vous arrêtez au niveau de cette espèce de grande route qui serpente jusqu'à l'orphelinat. Mais il est vrai que derrière, vous avez encore d'autres points d'intérêt. Comme, par exemple, de vieux bâtiments, la tannerie qui est un petit peu en contrebas, et surtout, l'espèce de grande digue qui se trouve au loin. C'est des coins où, lorsqu'on s'y déplace, on entend vite quelques cris au loin, comme une femme qu'on agresserait, ou des bruits qui partent comme des échos et se mélangent au bruit des vagues. Alors, on sait jamais trop, ça vient souvent de très loin. Mais là, pour une fois, alors que tu marches entre quelques... ce qui semble être presque des ruines de vieux bâtiments, comme si un incendie, un vieil incendie avait eu lieu et qu'on n'avait pas eu de quoi reconstruire derrière, t'entends pas mal de bruit. Pour commencer, la voix d'un vieil homme qui pleurniche et supplie. S'il vous plaît, c'est tout ce qui me reste. Et puis une autre voix qui, derrière, répond. C'est comme ça, c'est la loi du plus fort. Maintenant, c'est à nous. Ne me faites pas de mal. Ferme-la. Fouillez-le. On sait jamais, peut-être qu'il nous cache encore 2-3 trucs. Donc, j'arrive à voir où est-ce que c'est ou quoi ? C'est en fait, on va dire du coup un petit peu derrière un mur et les voix semblent venir de derrière. Mais de là, pour l'instant, tu vois pas. Tu vois que c'est pas très loin. Probablement dans une espèce de petite ruelle qui se trouve derrière toi. Je vais essayer d'escalader pour avoir un point de vue de hauteur. Ok, très bien. Je vais pas te demander de test pour l'escalade, c'est quelque chose que tu sais faire, mais je vais te demander un petit test de discrétion. Du coup, ça va être agility, stealth. Du coup, tu as 4 dés. Malgré tout, malgré ce qu'on pourrait croire, t'es quand même quelqu'un d'assez assez souple. Les entraînements des juges, t'as l'habitude de sauter à cheval, de sauter sur ton cheval, de bondir dessus le plus rapidement possible, et de courir après la vermine de justicienne. Dis-moi le résultat. Je vais claquer un point d'ego. Ok. Je le déduis automatiquement. Pour rappel, ça, je m'en occupe. En plus, tu avais tous tes points. Tu passes donc de 10 à 9. Eh bien... deux échecs et une réussite. Malheureusement pour toi, au moment où tu escalades le petit muret sur lequel, derrière lequel tu étais caché, et afin d'avoir un petit point de vue sur la scène, une espèce de grosse pierre, enfin de grosse brique, retire en fait un petit peu du mur au moment où ton pied s'appuie dessus et s'éjecte et s'éclate par terre. On entend le bruit, en plus t'avais quelques oiseaux qui étaient pas loin qui sont un peu effrayés, quelques mouettes qui s'envolent. Si on n'a pas des corbeaux, on a des mouettes. Directement t'entends. Qu'est-ce que c'était que ça? J'essaie de me courir à l'autre bout, voilà. D'aller à l'opposé, quoi. Tout en essayant de rester caché, mais bien sûr. Bah, tu vas me refaire un deuxième test de discrétion. Bon, allez, je reclaque un point de okay. Tout l'ego. Voici la difficulté de 3. Tout à l'heure, c'était 2, là, c'est 3. Évidemment, quand on sait que t'es là, c'est plus dur. Eh bien, 2 réussites, dont 1 déclencheur. Ok. T'essaies de te cacher, malheureusement, assez rapidement. T'entends une voix qui dit... Il fait là, j'ai vu quelque chose sur le toit. Il y a quelque chose qui te choque. Cette voix, elle est très enfantine. Et alors que tu regardes un petit peu au-dessus du mur, puisque du coup tu te trouves en hauteur, tu vois une bonne quinzaine de gamins en bas dans la ruelle, armés de bâtons et de morceaux de tuyaux qu'ils ont trouvés. Avec au milieu un mendiant. En train de nager dans son propre sang et qui est en train de se faire fouiller par les autres. Avec. Est-ce que t'étais à l'orphelinat à ce moment-là? Je m'en rappelle plus trop. Je crois pas. Je crois qu'avec Jacquard, vous étiez parti escorter des enfants, donc tu ne reconnais personne parmi eux. Ok, bon. Je vais sauter en. Je vais essayer de sauter en plein milieu du coup. Ok, bon, je te demande pas de test là-dessus. Tu dis le tout. Tu sautes et t'atterris en plein milieu du groupe. Et y a un truc qui détonne à ce moment-là, c'est forcément vu que t'as une jambe de machine de Hamsumo, même si elle a été remontée pour être taille. Au moment où t'arrives sur le sol, t'as une partie des vieux pavés qui s'écrase et se casse en dessous avec la jambe qui s'enfonce à moitié à l'intérieur. T'as un nuage de poussière qui se soulève sous l'impact et immédiatement tout le monde s'arrête. Et tu vois une petite à ce moment-là les gens sont bouche bée, certains lèvent leurs battes comme s'ils étaient prêts à taper mais n'osent pas parce que t'as quand même une grande stature, t'es imposant. Et t'as quand même une gamine avec des cheveux noirs ébouriffés, un vieux t-shirt un peu déchiré qu'elle a récupéré, et une sacoche dans laquelle elle semble avoir rangé les affaires qui lui ont extirquées. qui te regarde. À sa bouche, elle a une espèce de cigare. Et elle te dit t'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis la justice. Et bah t'as intérêt à te barrer, y a pas de la place pour la justice dans ce quartier. Ça fait bien longtemps qu'elle a disparu, et tu ferais mieux en faire de même. Est-ce qu'elle est à portée de main? Elle est un tout petit peu plus loin, elle s'est pas rapprochée non plus à portée de main. Ok. Est-ce qu'il y a un gamin qui est à portée de main? Y en a un qui est un peu près, ouais. Il est un peu fébrile en tenant une barre comme ça. Yes. C'est quoi? C'est de l'acier? C'est un bout de bois? C'est quoi? Une vieille barre de fer, une espèce de tuyau qu'ils ont dû extirquer d'un mur. Ok, je vais lui prendre avec le bras de la machine d'Homme Sumo et je vais le cintrer devant lui. Tu sais, je vais le cintrer en... Ok, fais-moi un petit test de... body force. Du coup, tu as 6 dés. Parce que pour rappel, t'avais eu un bonus en force mis en bras et justement pour ce genre de cas. Avec une difficulté de 3. Alors. 3 échecs et 2 réussites, dont un déclencheur. Ok, 3 échecs, c'est 3 têtes de mort? Oui, bah oui, oui. Tu commences à prendre la barre. Tu te pointes devant lui, tu commences à lui tordre, et à ce moment-là, tu sens un grand coup derrière la. Et tu vois qu'elle a de. Que la. Tout à l'heure. Qui était un petit peu au centre, et c'est elle qui te parlait, celle qui te tenait tête, et tu as reconnu sa voix, c'est aussi elle qui donnait des ordres aux mendiants. Elle a fait signe au gamin de te sauter dessus, et ils commencent à te frapper avec leur batte de baseball. Avec... malheureusement, dans un impact, on entend le bruit du métal qui s'entrechoque. Tu vas me faire un petit test de body. Donc tu as 6 dés également. 3 réussites. Ok. T'arrives à amortir quand même le coup. Malheureusement, tu sens que tu commences à te prendre des coups, notamment au niveau de... Dans les os, qu'il y a des petits bouts au niveau des tuyaux. Malgré tout... Si tu peux agir si tu le souhaites, t'es pas faire tabasser au sol, t'es toujours debout, donc si tu veux faire quelque chose, dis-moi. Ok, je pense que je vais. Je vais donner des grands coups de barre à faire partout, petit ce que tu veux que je fasse. Je vais essayer de me dégager un truc autour de moi. Parfait. Comme ça. Bam, bam, bam. Tu vas me faire un test de body melee, du coup. 3 réussites, dont un déclencheur. Ok. Tu commences à donner quelques coups. Tu vois un gamin qui vole et qui s'éclate contre le mur à côté. Et du sang qui commence à pisser du nez. Certains commencent à se reculer. Malgré tout, ils sont nombreux. Mais en fait, honnêtement, ils sont quand même nombreux. Ils sont pour la plupart armés. Tu sens que s'ils se jetaient tous sur toi, en vrai, même toi, tu pourrais pas faire grand-chose. En vrai, sur la durée, tu... Mais en fait, il y a ce truc de... aucun d'entre eux n'a envie de se prendre un coup de barre de fer de ta part. Du coup, collectivement, ils vont un peu se reculer. Même s'ils pourraient gagner à la fin, si on a les deux tiers qui... Leur mâchoire, au passage, pas forcément... t'entends de nouveau la même voix qui te dit « Casse-toi !» Non, bah, je vais essayer de me frayer un chemin jusqu'à elle et de la choper par le col ou un truc comme ça. De l'attraper, de la sauver. Ok, tu commences à te frayer un chemin vers elle. T'arrives à son niveau, tu la chopes par le col et tu fais quoi? Tu la... Je la... Attends, j'ai pas entendu. Tu la soulèves au-dessus du vide? Oui, voilà, par d'une seule main... Oh, oui! On est à côté de la digue! Alors, on est pas très loin. En effet, la digue est à quelques mètres. Ok, je continue à me frayer à chemin jusqu'à la digue. Ok. Toujours. Tu commences à te frayer un chemin jusqu'à la digue. Tu la vois qui fait des mouvements un peu dans tous les sens, presque comme si elle paniquait un peu. Tu débarques jusqu'au niveau de la digue, tu te ferais un chemin à travers, tu vois qu'il y en a certains qui osent pas trop. Elle, comme je dis, elle agite les bras un peu dans tous les sens, tu la sens qu'elle panique. Au début, elle essaie de t'agripper et de te mordre, mais ses dents sortent vite à l'acier de ton bras mécanique. Elle te hurle, donne des ordres, elle t'insulte. Mais lâche-moi, sac à merde. Vous autres, faites-lui, réglez-lui son compte. Alors tu sens dans ton dos des morceaux d'acier et tout qui se jettent, des pierres et tout. Mais bon, c'est pas assez pour t'arrêter. T'es quand même vachement plus corpulent que ça. Et t'arrives jusqu'au niveau de la digue où tu la suspends en-dessus du vide. Ok, par le pied. Non, peut-être pas par le pied. Allez, quoique quand même. Allez, par le pied. Tu vois, je la tiens à l'envers. J'y fais. Vas-y, bute-moi. Et est-ce que ça m'intéresse vraiment ? Ça, si j'étais toi, je me le dirais pas. Parce que moi, j'en ai rien à faire de te buter. Et est-ce que tu as quelque chose à faire de ton avenir ? C'est ça ce que tu veux ? Une chef de gang ? Une pie ? Une espèce d'apocalyptique ? Tu veux mourir à 30 ans ? Une overdose de bourgeon ? C'est ça que tu veux ? C'est ça l'avenir que tu souhaites ? Oh, tu sais, monter un gang, faire la terreur dans les vieux quartiers, et vivre dans une certaine opulence au moins quelques années, c'est, ça serait pas pour me déplaire. Elle a quel âge ? Ah, au vu d'œil. Elle doit avoir... honnêtement... Est-ce qu'elle est très jeune, hein. Elle est très jeune. Elle doit avoir 13 ans maximum. Bon, ok. Je vais la rapprocher de moi, tu sais, genre... je vais rapprocher sa tête en la soulevant encore plus haut. Je vais faire... Non, je vais pas te jeter. Mais tous les soirs, je vais revenir ici. Tous les soirs, je vais m'occuper de toi. Tous les soirs, je vais faire en sorte que tu te retrouves la tête dans le vide. Et tous les soirs, crois-moi, je vais te faire vivre un enfer si tu continues comme ça. Tous les soirs, je serai là, dans l'ombre, à t'observer, à devenir ton pire cauchemar. Si jamais tu ne cesses pas ça maintenant. Tous les soirs. Est-ce que tu m'as compris ? Elle te regarde quelques instants. Et elle te dit... Sauf que l'enfer, c'est moi qui vais t'y emmener. Et d'un seul coup, tu la vois sortir de sa sacoche un pistolet et t'entends le bruit d'une détonation. Est-ce que je peux faire On va passer à Mokosh. Ok. Mokosh, du coup, toi, tu te trouves à Port-Lagagne, toujours au niveau de la sacristie rouge, où tu vois Lilith débarquer avec... Du coup, deux enfants que tu l'avais demandé de t'amener. T'as Lilith qui débarque avec deux enfants. Tu vois que ça fait partie des enfants les plus âgés de l'orphelinat. Clairement, pareil, on est dans les 13 ans environ, on va dire. C'est difficile de jauger l'âge d'une personne et probablement qu'eux ne connaissent même pas leur propre âge. Combien t'as dit ? J'ai pas entendu. Environ 13 ans. Ok. 12-13 ans, quelque chose comme ça. Ils sont plus grands et mieux bâtis que la majorité, et tu, du coup, lorsque Lily débarque, elle s'installe, fait un petit peu, du coup, le tour de la sacristie, et te les présente. Voici Bastien, et Karch. Ils étaient superviseurs avec moi à l'orphelinat. Autrement dit, ils sont détestés d'à peu près tout le monde, ils ont l'habitude de se battre, et ils sont plutôt efficaces, on s'entendait bien à l'époque. Mmh. Tu les vois qu'acquiescent. Ils sont un peu intimidés par ce qui se passe. Ouais, tu m'étonnes, la dernière fois qu'ils m'ont vu, j'ai baffé des gens à tour de bras. C'est ça. Bon. Du coup, Bastian, lui, c'est un petit blondinet avec... des cheveux blonds bouclés, mais une espèce de petite cicatrice au niveau du crâne, assez vieille, semble-t-il. Et Karch, elle, pareil, une fille avec une coupe au carré assez court, qui fait un peu garçon manqué. Ok. Du coup, je vais m'approcher d'eux avec mon espèce de grosse veste de fureur et tout ça, là, en prenant bien le soin d'avoir, tu vois, d'avoir l'air imposant, tu vois, genre, je veux vraiment les faire flipper. Yes. Et je vais leur demander, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ? En ce moment-là, t'as le garçon qui lui hésite un peu pour vous aider. Et Karch, elle enchaîne. On a des talents particuliers qui pourraient vous intéresser. Vous n'êtes pas là pour m'aider, mais j'ai pas besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Vous avez été sélectionné pour avoir un avenir. Contrairement au reste de votre orphelinat qui va devoir se battre, vous allez appartenir à une famille. Cette famille, je dis en ouvrant, c'est un de mes bras pour montrer un peu la sacristie rouge et tout ça. Mais pour ça, il faut le mériter. Alors pour commencer, je balance les bâtons à leurs pieds. Vous allez me montrer de quoi vous êtes capable. Ok, tu les vois qui ramassent les bâtons. Ils commencent à s'en saisir et puis ils ont à peu près compris l'idée. Ils se mettent l'un en face de l'autre. Tu vois que derrière vous, sur une des petites pierres de la sacristie, tu as ton mentor qui un Slito qui s'installe et qui observe. Il a l'air assez curieux de te voir, lui-même qui t'a entraîné, voir répéter les enseignements plus tard. Là-dessus, ils se saisissent des bâtons et commencent à essayer de se frapper l'un l'autre. On a le bruit du bois contre le bois. Ils donnent quelques coups. Tu sens qu'au début, ils sont un petit peu mollassons et j'imagine que tu commences à les coacher un peu. Ouais, évidemment. Oui, je leur explique que quoi qu'ils fassent, de toute manière, on a un médecin pour s'occuper d'eux, alors il n'y a pas de problème à se faire mal. Ils auront beaucoup plus mal à l'avenir dans leur vie, de toute manière, alors ils peuvent y aller. Et s'ils bougent pas, c'est de toute manière, je leur envoie les lits dessus. On verra. Tu vois qu'en effet, ils commencent du coup à frapper. Il y a un coup qui part... et qui frôle le crâne de l'un des deux. Le second va se jeter en dessous et délaisse son bâton pour du coup, en tout cas c'est Karch qui délaisse son bâton pour attraper Bastian à la jambe et lui mord le mollet pour lui faire lâcher le sien. Et en fait ça commence à se finir en bagarre au poing au niveau du sol. Tu sens quand même qu'ils osent pas se faire vraiment mal. Elle l'a pas mordu jusqu'au sang et ils évitent naturellement de donner des coups au niveau du visage par exemple. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais arriver vers eux, je vais les séparer d'un coup et je vais leur dire alors c'est ça ce que vous savez faire, des petites batailles d'enfants, des petites disputes inutiles. Bon, on va mettre ça dans le bon ordre, je les repose l'un à côté de l'autre. C'est moi que vous allez frapper, comme ça vous avez pas de soucis à vous faire. À ce moment-là, t'as Lilith qui, elle, rigole un peu derrière. Tu sais, ce rire un petit peu sadique de la personne qui s'est fait bizuter il y a quelques mois et qui s'apprête à voir les autres subir le même sort. Ouais. Et qui, du coup, se permet de les prendre de haut. À ce moment-là, ils saisissent de bâtons. Est-ce que toi, t'as un bâton aussi ou tu vas à main nue ? Je vais prendre un bâton parce que j'essaie de leur apprendre à se battre avec des épées. Donc, voilà. Mais je précise que bon, moi je leur fais pas un traitement plus dur que ce que j'ai fait à l'élite, ni un traitement plus léger, je leur fais la même chose quoi, tu vois. Exactement pareil, mais parfait. Si je dois leur faire mal, je leur fais mal, mais je les. J'imagine était grosso merdo le traitement que toi-même t'avais à l'époque de la part de Lito. Mais certainement, oui. Même si moi il me semble que j'étais avec Lito à l'époque où il y avait encore un peu des guerres et tout ça. Oui, c'est vrai. J'ai peut-être été entraîné beaucoup plus vénère. Mais... C'était peut-être encore plus à la dure, c'est vrai. Ok, du coup, je vais te demander de faire un petit test de body melee. Alors bon, évidemment, c'est pas vraiment un test de combat classique. Ouais, évidemment. Je veux dire, dans tous les cas, ils vont pas te mettre, ils vont pas te battre. Malheureusement, quel que soit ton résultat et quel que soit le leur, si je leur faisais jeter les dés, ce serait pas possible. Mais c'est juste, on va dire, un petit peu cette idée-là de devoir. Eh bien, ce ne sera pas beaucoup parce que ce sera deux réussites. Okay, donc, c'est largement suffisant. Tu vois qu'en effet, du coup, tu effectues un entraînement assez classique. T'arrives à voir venir évidemment les trois quarts de leur coup. Tu te permets de contrer de manière plus violente, donc généralement ça les fait reculer, ça les fait voler un petit peu. À chaque mauvais coup de leur part, t'entends l'élite se foutre d'eux encore plus fort. Évidemment, à un bout d'un moment, du coup, tu vois Bastian qui commence à en avoir marre, se saisit de son bâton et court dans ta direction en criant bon coup. Et cette fois-ci, contrairement aux autres, il le tient vraiment à deux mains. Il s'apprête à essayer de te donner un énorme coup que tu pars sans aisance et qui brise son bâton en deux. Vous voyez un morceau du bout de bois partir en l'air et s'éclater au niveau du sol. Tu sens en effet qu'il y a du potentiel à ce niveau-là, même si, bon, voilà, pareil, pour des raisons assez évidentes, il avait aucune chance, ne serait-ce que de te mettre le moindre coup. Par contre, ça l'énerve un petit peu. Il a toujours eu, lui, un statut un peu privilégié au niveau de l'orphelinat, et il apprécie pas de se faire un peu rabaisser de la sorte. Et du coup, à ce moment-là, il récupère le bâton de Karch et le jette à Lily, en lui disant « Bah vas-y, toi, montre-nous comment tu fais. » Et je vais te demander un nouveau test de body melee que je vais opposer à celui de Lily. Bon, elle a 4 OD, okay. Mais elle va dépenser de l'ego. Elle va dépenser 3 points d'ego. Attends, en vrai, je vais comparer un peu, mais... Je me demande, est-ce qu'elle aurait 4 ou est-ce que... Je pense qu'elle aurait 2 et 2. J'ai 6 réussites dans 2 déclencheurs. J'ai fait... Sur 7 dés, j'ai fait... J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 faces blanches. Une réussite et un échec critique. Tu vois qu'elle prend la confiance. Elle se jette sur toi sans suivre aucune des règles que tu lui as prises d'habitude. Tu vois qu'elle n'est pas du tout gouvernée par la discipline, mais complètement par la volonté de te battre. Et elle fait absolument n'importe quoi. Pareil, elle essaye de donner un coup et tu lui fais voler son bâton des mains avec juste une petite passe d'arme. Et du coup, cette fois-ci, c'est aux autres de se foutre de sa gueule, ce qu'elle prend très mal. Bon, je les laisse un peu se moquer les uns des autres et au final, quand même, je les arrête un peu et je leur dis ne rigolez pas trop parce que la prochaine fois, ce sera entre vous que vous vous battrez et Lilith participera. Là, on verra qui c'est le plus dur d'entre vous. Là, plus... tu vois qu'elle se permet de rajouter, limite, elle te coupe presque un peu la parole, elle te dit et on utilisera les épées qu'on avait achetées la dernière fois. Peut-être dans quelques cours, mais pas tout de suite. là-dessus, bon, elle dit t'as d'autres ordres à nous donner ou je leur fais faire un tour de la propriété et je leur indique où est-ce qu'ils vont dormir. Oui, il fait leur faire un tour, qu'ils voient où ils vont dormir et ensuite, là, je me tourne vers Lito et je dis peut-être que un petit cours sur les préceptes pourrait être intéressant pour voir si ça les intéresse. Là-dessus, tu vois qu'il acquiesce, il dit « En effet, il faut à la fois forger leur corps et leur esprit. Je vais leur expliquer pourquoi est-ce qu'on se bat et quelle est notre philosophie. On verra si on peut en tirer quoi que ce soit. » En plus, Lito, du coup, qui avec les années commence vraiment à avoir cette stature de grand sage, tu sens qu'aussi, dès qu'il débarque... il instaure un certain respect. Est-ce que, il me semble que c'était tout ce que tu avais prévu de faire. Oui, c'était basiquement... Ouais, pareil. On va partir du principe que, pareil, la matinée se passe à peu près. Allez entraîner. Là-dessus, on va retourner au niveau de Toric, tout simplement. Toric, t'as fini du coup pareil toi d'apprendre tes quelques leçons aux premiers étudiants, tu leur as appris le B.A.B.A. De la médecine au niveau des plaies, lesquelles étaient graves, lesquelles est-ce qu'il fallait bander, comment est-ce qu'on faisait un bandage efficace pour économiser un maximum de tissu, comment est-ce qu'on désinfectait une plaie tous les combien de temps, et des règles d'hygiène basiques. Ouais. Une fois que c'est fini, qu'est-ce que tu décides de faire ? On est en fin de matinée, t'as pas encore mangé, y'a pas forcément de quoi manger ici, en tout cas c'est les plats destinés aux enfants, je sais pas si t'as forcément l'intention de piocher dedans. Ou de rentrer en ville avant. Est-ce que tu décides de voir Dali qui te demandait de faire un check-up au niveau de l'hygiène maintenant, ou est-ce que tu réserves ça pour une prochaine fois? Moi, je peux faire ça. Je peux faire ça, effectivement. Je peux en profiter pour faire un tour. Après, ceux qui sont intéressés, je leur dis, hein, ceux qui veulent venir, ils peuvent me voir un petit peu si ça les intéresse. Et effectivement, je fais mon petit tour et regarder un petit peu l'état des lieux et voir ce qui y aurait à faire. Alors, je pense que je vais voir beaucoup de choses, hein, étant donné que je suis du genre un petit peu super tatillon sur la propreté. Mais voilà, effectivement. Ok, très bien. Eh bien, du coup, tu commences à faire un petit tour de l'orphelinat. Je vais demander un petit test d'instinct perception compétence dans lequel tu as 4 dés. Avec une difficulté simple, hein, donc 2 réussites seulement sont nécessaires. Eh bien écoute, on va voir ça. Eh bien, 2 réussites, dont un déclencheur. Parfait. Tu fais un rapide retour des lieux. Il y a 2-3 choses qui te sautent aux yeux alors que tu parcours les différents étages de l'orphelinat. Il est vrai que les enfants étaient quand même détenus dans des conditions vraiment très précaires, mais tu notes quand même certains endroits une certaine volonté de bien faire assez étonnante, surtout de la part de l'ancien propriétaire. C'est-à-dire que même si, comme dit, il y a des histoires de punaises de lit ou autre, il semble déjà y avoir tout le nécessaire pour entretenir l'orphelinat, le rendre presque flambant neuf. Vous avez des matelas, j'ai un neuf, pas vraiment, mais presque des matelas de bonne qualité qui sont contenus dans une espèce de grenier à l'étage. Grenier qui était probablement interdit aux enfants. Tu as pareil de quoi laver les draps, tu as quelques produits d'entretien. Très honnêtement, tu t'y attendais pas vraiment. Tu demandes pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Est-ce qu'ils ont été récupérés de l'époque ? Est-ce qu'ils étaient vraiment utiles ? Mais en tout cas, t'es quand même content parce que t'as tout le nécessaire pour remettre l'orphelinat dans de bonnes conditions. Il y a aussi quand même un endroit dans lequel tu n'arrives pas à accéder. Pour rappel, c'est l'espèce de grande trappe qui se trouve au niveau du rez-de-chaussée qui semble donner sur un sous-sol. Elle est cadenassée. Et Flux n'avait pas réussi à la crocheter. C'est un cadenas du genre que si on frappe dessus, on peut le péter ou pas du tout. Non, malheureusement, c'est une grosse trappe en acier. Ah, mais genre, est-ce qu'il la ferme, c'est quoi ? C'est quoi comme c'est un grand cadenas, pareil, un espèce de gros cadenas en fer. Et je crois, genre, si avec une masse ou quelque chose, on peut pas casser ce cadenas ou il faut vraiment trouver la clé. Avec une masse, ça paraît compliqué. Ok. Peut-être avec un chalumeau à la rigueur, tu pourrais. Ouais, à l'occasion, je m'en vais peut-être au ferrailleur ou à notre ami Dobby s'il peut pas venir l'ouvrir. Voilà, parce que bon, là, je pense que c'est pas la priorité. Après, oui. Ce serait sympa de savoir ce qu'il y a en dessous, mais. Bon, c'est pas la priorité. Après, je vais faire un petit compte rendu du coup à Dali, c'est ça? Ouais. Hein, pour lui dire un petit peu où c'en est et que je lui fais part de mon étonnement quant à la propreté quand même assez surprenante qu'il y a. Je pensais pas que ce serait aussi. Il faut quand même nettoyer, mais que ce serait pas à ce niveau-là, quoi. Surtout aux étages supérieurs, en effet. Ouais. Une fois que j'ai fait ça, du coup, je laisse les enfants tranquilles parce que bon, il faut pas trop leur en demander d'un coup. C'est déjà pas mal ce qu'ils ont fait pour l'instant, pour aujourd'hui. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est retourner du coup à l'orage pour avoir une discussion avec Ambre. Et en même temps, faire venir, si c'est possible, Sam, donc la femme, l'anesthésiste, et Jacques. Ok, très bien. Avec qui c'est les personnes avec qui j'ai le plus d'affinité pour l'instant. Donc voilà, donc, c'est ce que je vais faire. Je retourne à l'orage. Tu as ton compte rendu, en effet, après tu te rends au niveau du coup de cours argent à l'hôpital de l'orage pour planifier une réunion. Ouais. Tu vois que les médecins sont un petit peu débordés, mais la vieille Ambre arrive à libérer un petit peu de temps et vous finissez par vous réunir dans son bureau. Eh bien, écoutez, merci de prendre un petit peu de votre temps. En fait, j'en ai déjà discuté avec Ambre, mais j'ai pas eu le temps vraiment de développer un peu plus. Mais il s'avère que avec mes amis, eh bien, nous avons réussi à récupérer l'orphelinat au niveau du Saint-Chenil et un bon nombre d'enfants y sont. Et il s'avère que certains d'entre eux, aujourd'hui 25, peut-être plus à l'avenir, mais aujourd'hui 25, sont vraiment intéressé pour devenir des hospitaliers. Alors, je sais à quel point c'est compliqué pour nous ici, que nous sommes encore très nombreux, mais je pense vraiment que si nous voulons un avenir ici à Toulon, il faut que nous formions plus d'hospitaliers. Et je crois que c'est vraiment une opportunité à ne pas négliger. Que sont ces orphelins qui sont, pour ma part, depuis que je les ai avec moi, sont très demandeurs de savoir. Et pour l'instant, je dois le dire, je suis assez surpris et agréablement surpris de voir qu'ils se prêtent vraiment au jeu de l'éducation. C'est pour ça que je les réunis maintenant et j'aimerais, s'il est possible, car moi seul, ce serait un petit peu compliqué de passer autant de temps avec eux. Savoir si vous seriez aussi disponible pour donner un peu de votre temps et les former avec moi pour que, eh bien, si nous puissions avoir 20 hospitaliers de plus, ou 25, ou même plus, ce serait quand même assez important pour nous. Les voix qui se regardent. Pour commencer, t'as la vieille Ambre qui te dit c'est une bonne chose de ce que j'ai pu entendre. Les conditions dans lesquelles les enfants étaient détenus à l'orphelinat étaient déplorables. En faire des hospitaliers est une bonne idée. Malheureusement, nous n'avons que très peu de moyens pour tenter de les former. L'hôpital a complètement délaissé cette partie de Toulon et cette partie de la Franca. J'aimerais avoir plus de moyens financiers à vous fournir maintenant si vous souhaitez que nous nous rendions de temps en temps à l'orphelinat dans le but de les aider. De mon côté, je ne m'y oppose pas. Je trouve que c'est une bonne idée, au contraire. Cette ville aura besoin de gens comme vous et moi lorsque nous ne serons plus ici. De son côté, tu as Jacques qui, lui, a l'air assez content aussi. Il dit « Oui, c'est une bonne chose, nous ne devons pas laisser ces enfants finir entre les doigts de groupes de nuées ou autres. Je pense que vous avez bien fait. Malheureusement, de mon côté, j'imagine qu'il en sera de même pour le docteur Sam. Il est compliqué de trouver du temps, nous sommes surchargés de travail déjà. » Alors, même si j'essaierai peut-être de passer une fois, voir l'état des lieux, je ne peux pas promettre de m'y rendre régulièrement. Tu vois Sam qui acquiesce. En effet, bah, probablement qu'ils ont déjà pas mal de travail. Mais ils ont l'air, en tout cas, d'apprécier l'idée et ça a l'air de leur plaire. Mais donc, pour l'instant, t'as surtout Ambre qui pourrait s'y rendre de temps en temps. Ouais. Après, je vous ai réunis, vous trois, car vous êtes les personnes avec qui j'ai le plus d'affinité aujourd'hui. J'espère que cette affinité sera la même avec les autres dans le futur. Mais si c'était possible pour vous, peut-être de votre côté, de faire part... À ce projet, aux autres, et voir si eux aussi de leur côté peuvent débloquer un peu de leur temps. Alors, c'est pour ça que plus on sera nombreux à pouvoir de temps à autre pouvoir donner un peu de nous-mêmes, et bien plus simple ce sera pour ces enfants d'apprendre et de rapidement acquérir les connaissances nécessaires pour avoir une connaissance de base hospitalier. Par la suite, ils apprendront avec nous sur le terrain, à l'orage ici même, en prodiguant des soins et pouvant nous donner un coup de main, ce qui pourrait nous aider aussi à pouvoir soulager un peu le temps de travail et peut-être soigner plus de gens et peut-être développer l'orage. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis ravi de voir que le projet vous plaît et que vous êtes prêt à proposer un peu de votre temps. Et je suis sûr que, à l'avenir, tout se passera bien. Et je verrai de mon côté et avec mes camarades pour essayer de trouver des fonds supplémentaires pour améliorer... pour améliorer leur formation. La ville de Toulon en a besoin. Nous ne pouvons pas laisser les Anubiens s'occuper avec leur culte, leur médecine un peu, je dirais, vite fait, et leurs croyances un peu bizarres, s'occuper de ça, car... Je ne pense pas que c'est de la science. C'est juste de la poudre aux yeux. Du coup, je vous laisse retourner à vos activités. Et de mon côté, je vais en faire de même. Je vois qu'ils acquiescent. Ils ont l'air d'avoir écouté ce que tu as dit. Et je vais te demander un petit test de charisme leadership, je pense. Ou expression, comme tu veux. Alors, attends, je vais dire ça. Lequel est le mieux? Si je peux choisir. Charisme, leadership, c'est le mieux. Et je vais utiliser un point Lego. Comme ça, ça me fera 4. Parce que sinon, je vais pas avoir grand-chose. Eh bien, ça fait 2 succès. Parfait. Tu vois que, ouais, en effet, l'idée leur plaît. Malheureusement, eux, voilà, ils n'ont pas ce qu'ils voudraient avoir. On va dire, ouais, voilà, les moyens nécessaires. Mais du coup, la vieille Ambre a promis de s'y rendre. L'idée, du coup, de faire quelque chose de plus glorieux sur le long terme a germé. Mm-hmm. Mais pour l'instant, il faudra du temps pour. Bien sûr. Évidemment. et probablement en effet plus de moyens aussi. À partir de là, nous allons pouvoir repasser aux sombres ruelles de Saint-Chenil. À l'intérieur de ces ruelles, nous avons une silhouette qui marche titubante en laissant du sang couler derrière elle. Jacquard, ton dos s'affaisse contre un muret. Tu sens la faiblesse t'envahir après t'être pris le coup de feu. Quel a été ton premier réflexe au moment où est-ce qu'elle a essayé de tirer? Est-ce que t'as essayé d'esquiver? Est-ce que t'as essayé de la jeter dans le vide? Qu'est-ce que t'as fait? Attraper son arme, j'ai voulu essayer. Ok, très bien. Donc au moment où elle s'est assez tirée, t'as essayé d'attraper son arme et de la dévier. Malheureusement, tu n'as pas été assez rapide et une balle est venue se loger au niveau de ton épaule. Sachant que t'es droitier ou gaucher? Bonne question. C'était droitier. Si c'est pas déterminé, j'imagine que c'est droitier. Hein. Oui, je pense, je vais regarder, mais en effet, il me semble pas que ce soit déterminé, donc on va dire droitier. Par contre, la bonne question, et ça, je ne me rappelle plus non plus, je crois que c'était ton bras droit qui, justement, était coupé, qui avait été changé. Bonne question, ça, je me souviens, c'était précisé. Tu m'avais dit c'était quelle partie de mon corps, mais... Oui, bah, faudrait se remater à cette session. Ça va. Mais du coup, je peux pas te dire, je suis désolé. Bon, dans tous les cas, de toute façon, c'est vraiment au niveau de l'épaule, donc bras ou pas, ça s'est passé. Tu déambules du coup à travers les ruelles et comme je dis, tu t'es posé au niveau d'un muret. Au loin, tu entends les échos des voix des enfants qui te cherchent. En effet, au moment où tu t'es fait tirer dessus, tu l'as forcément lâché. Et du coup, la gamine est partie en courant en laissant son arme au niveau de ta main. Encore fumante. C'est pas bien, entre guillemets, dangereux comme blessure, c'est pas mortel, en tout cas, sauf si tu perds trop de sang. Mais tu sais, voilà, il faut s'en occuper rapidement. T'as du sang qui coule absolument partout. Et mine de rien, c'était pas très loin de certaines veines et certains canaux de sang vital. Donc t'as énormément de sang qui s'écoule. Les voix que t'entends, globalement, ce qu'elles disent, c'est retrouvez-moi ce fils de pute et butez-le-moi. Je veux sa tête à mes pieds avant la fin de la nuit, avant la tombée de la nuit. Et puis, alors que t'entends des bruits de pas et des gamins qui doivent déambuler un petit peu partout au fond du vieux quartier à ta recherche, tu entends une petite voix à quelques mètres de toi qui fait Est-ce que je vois quelque chose? Tu tournes la tête et tu vois une silhouette humaine dissimulée dans les ombres d'une ruine qui te fait signe de venir. Signe d'approcher. Par ici. Est-ce que j'ai pu récupérer le flingue du coup Si tu veux, tu as le flingue. T'avais le flingue dans la main, donc t'as un pistolet. Ok. Je le cache dans mon manteau et je me dirige vers la porte. Je le rajouterai à l'inventaire de groupe avec les stats à la fin de la session. Alors, tu t'approches et tu reconnais la silhouette du mendiant de tout à l'heure. J'ai réussi à m'échapper grâce à vous. Vous êtes blessé. Suivez-moi, on va se cacher avant qu'il nous trouve. Et tu vois, à ce moment-là, il se retourne et commence à marcher et en fait, à déambuler au milieu de quelques vieilles ruines, vieilles maisons, certaines quand même un peu moins en ruine que d'autres, jusqu'à ce que vous arriviez à l'intérieur d'une petite bicoque. Avec une grande porte en fer, sur laquelle il tape une espèce de rythme, et tu devines qu'il s'agit probablement d'un code. Derrière, t'entends un peu de bruit, et puis d'un coup, la porte s'ouvre, et tu vois plusieurs silhouettes qui vous laissent entrer à l'intérieur, et qui referment la porte directement juste derrière. Avec, tu sais, une espèce de grande barre de fer qui vient vraiment la consolider. À l'intérieur, tu vois que tu te trouves au niveau d'une espèce de petite pièce où se trouvent différentes personnes dans des espèces de grands draps, des tissus. Probablement des mendiants qui ont allumé une espèce de petit feu qui étouffe la pièce parce qu'il n'y a pas vraiment de cheminée, il y a juste des ouvertures au niveau du toit, quelques ouvertures qui sont là et qui regardent un petit peu. En fait, globalement, tu comprends que c'est un squat de mendiants qui se protègent comme ils peuvent des différents gangs. Celui-ci date d'hier pour le coup, donc. Probablement qu'il y a d'autres gens qui arpentent les rues, il y a d'autres dangers une fois la nuit tombée. Et tu vois simplement le mendiant qui te présente, qui dit voici l'homme, il m'a sauvé, mais il est blessé. Il s'est fait tirer dessus par Aristar, cette folle. Et t'as les autres mendiants qui, eux, du coup, discutent, entendent leur voix, qui chuchotent un peu « Est-ce qu'il va mourir, machin ?»« On vous laissera pas tomber. » Il y en a un qui parle. « Écoutez, j'ai eu quelques connaissances en médecine à l'époque. J'ai fréquenté une hospitalière durant ma jeunesse. Je vais essayer de faire ce que je peux. » Dans tous les cas, il nous faut attendre un peu avant de partir. Tu te laisses soigner ou pas? Tu vois qu'il s'approche de toi, ouais. Il récupère une espèce de petit truc au niveau du... qui fait chauffer au niveau du bras zéro, comme une espèce de pince à épiler un peu. Ouais, vas-y. Pardon? Oui, je me laisse soigner. En fait, pour commencer, il observe surtout. Écoutez, c'est un petit peu plus grave que ce que je pensais. À ce moment-là... Il regarde au niveau des autres, il fait « Écoutez, je voudrais pas prendre de risques. » Et il s'arrête quelques instants en marquant le bras mécanique juste à côté, puisqu'il ouvre un petit peu la chemise afin de l'observer. Il te regarde et il fait « Vous êtes le juge ?» Ça, il le chuchote, les autres ne l'entendent pas. Merci pour ce que vous faites. Je vais faire en sorte que vous alliez mieux. On va vous escorter. On a un tunnel qui relie deux bicoques de ruines. Suivez-moi. Il t'amène jusqu'au niveau d'une espèce de petite arrière-salle dans la petite maisonnette dans laquelle vous vous trouvez. Où il y a une trappe. Pareil, tu vois d'autres gars qui sont entassés. Honnêtement, ça sent vraiment mauvais dans cette maison, ça... c'est vraiment la pauvreté incarnée. Il soulève la trappe et te fait passer au niveau du sous-sol dans une espèce de réseau de vieilles galeries, peut-être d'anciens égouts. Écoutez, j'aurais bien aimé vous conduire à mon chef, mais le temps presse. On va essayer de vous faire sortir et de vous amener à l'hôpital de campagne de l'orage le plus rapidement possible. Votre chef ? Le roi des gueux. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et qui êtes-vous exactement ? Moi, un simple mendiant. À qui vous avez sauvé la vie, probablement. En risquant la vôtre. Bien, vous avez fait la même. On peut dire qu'on est quitte. On s'inquiète. C'est pas croyable, n'empêche. Dire qu'on va se faire gouverner par des gosses. Mais bon, les pauvres, quand les apocalyptiques vont en prendre qu'un gang tente de faire leur business sur leur territoire, je donne pas cher de leur peau. Enfants ou pas, ils en ont rien à faire. Quel apocalyptique ? La nuit noire ? La nuit noire s'intéresse principalement... au commerce et à la piraterie, je sais pas si ils sont à ça près, mais en effet, ils en font partie. Maintenant, je sais qu'il y a quelques autres nuées mineures qui ont tendance à mettre en place quelques réseaux de raquettes et de contrebande au niveau de Saint-Chenil. Ils apprécieront pas qu'un gang composé de gamins attire l'attention des fléaux dans le quartier. Là-dessus, vous marchez et dit, j'espère que vous allez bien. En effet, toi, tu sens ton esprit qui commence à te quitter un petit peu, mais t'arrives à tenir le coup. J'ajusterai tes points de vie pardon, juste à la fin de la partie. Et là-dessus, je vais faire une mini-ellipse à mesure que vous traversez la ville, jusqu'à débarquer à l'hôpital de campagne de l'orage. Tu vois quand même, vous êtes arrêté un moment pour te faire une espèce de bandage serré au niveau de l'épaule. Histoire que tu perdes pas trop de sang. À un moment, il sort un bourgeon de brûlure de la poche. Il te dit c'est pour lutter contre la douleur. Est-ce que tu le prends ou pas? Je le prends, mais je le prends pas. Ok, juste tu prends le bourgeon, mais tu ne le consommes pas. Non. Ok. Du coup, tu essayes de lutter contre la douleur et tu vas me faire un test de. Je pense. Alors, attends, sachant que toi tu es psyché. Oui, toi tu n'es pas croyant, donc ça va être Wild Power. Ah non, c'est Faith. Ah oui, pardon, psyché Faith. Donc 4D, avec une difficulté de 2. C'est la foi, mais c'est pas la foi envers une divinité, mais c'est de la foi malgré tout. La foi en holocodex. Les juges qui disent qu'il faut tenir. De réussite. Parfait, si jamais t'avais échoué, t'aurais perdu des points d'ego dus à la douleur, mais tu vois, t'arrives à tenir le coup des balles, t'en avais déjà pris. Tu finis jusqu'à l'hôpital de campagne de l'orage. Où tu vas être pris en charge par différents médecins, notamment Toric. Et Avant qu'on d'ailleurs, se j'en quitte, profite. Pardon? Ouais, justement. Non, Non, vas-y, dis-moi. ok. Donc je vais dire au mendiant, ami, nous sommes quittes, mais si jamais un jour tu as besoin de quoi que ce soit, je loge à la sacristie rouge. Et la caisse et dit j'y penserai. Merci Demande encore. Jacquard. Mais ne répète à personne ce prénom. Pour les autres, je suis le juge. Ce sera notre secret alors. Et puis tu vois qu'il disparaît après dans les ruelles en te laissant juste devant l'hôpital où directement t'as un des médecins de garde. La femme alancière Clara qui, voyant ton état, accourt en disant mais vous êtes blessé et te conduit à l'intérieur où tu vas être pris en charge. Là-dessus, on va passer du coup à Toric. Toric, alors que tu finis ta réunion et que tu t'apprêtes à sortir, on t'amène le cadavre, j'allais dire sans vie, mais non, inconscient, de Jacquard. On va partir du principe qu'il, sous le coup de la douleur, quand même, en arrivant, il vient de traverser la moitié de la ville. Il Ouais. tombe quand même, il s'est pris une balle il y a Bien. 1 h 30. Il s'écroule et. Bah du coup, je te Et du coup. prends, je te prends en charge tout de suite. Bah du coup, voilà, ça, vous le mettez dans un lit et tu vois qu'en effet, il s'est pris une blessure par balle. Lui qui Ouais. était juste parti fouiner un petit peu au niveau de Saint-Chenil, tu comprends que ça a mal tourné. Je vais te demander un petit test de médecine, s'il te plaît. Eh bien, Donc, c'est intellect, parti. médecine. Sachant que tu lui soigneras de 1 point de vie plus le nombre de déclencheurs obtenus. Que je déduirai des dégâts de la balle, mais pour pareil, pour l'instant, je les connais toujours pas. Mais en même temps, c'est un peu RP, sur le coup, tu sais pas à quel point Alors, c'est j'ai nerveux. trois succès, dont un déclencheur. Ok, très bien. Et bah du coup, tu le soigneras de 2 points de vie. Donc, de manière un peu plus RP quand même, tu vois que mine de rien, il a été pris en charge rapidement, donc il n'a pas perdu tant de sang que ça, même si il a des vêtements imbibés. Tu lui retires tout ça, tu nettoies, tu désinfectes, tu finis par retirer la balle. Ah, j'ai une question. Ouais. Étant donné que je suis quand même amené à retirer une partie de ses vêtements pour pouvoir justement nettoyer tout ça, est-ce que par inadvertance, bon ça c'est parce que c'est le côté un peu méta du truc parce que j'ai entendu, mais est-ce que je tombe sur le bourgeon qu'il a récupéré? Ah, pas mal. Je pars du principe qu'il l'a mis dans sa poche, donc pas forcément. Pas forcément, Parce bien qu'à priori, sûr. tu fouilles pas ses affaires. Non, c'est vrai. On sait jamais. Mais c'est une bonne remarque, c'est une bonne remarque. Eh bien, Mokosh, maintenant, je vais te demander, toi, ce que tu souhaiterais faire de ton après-midi. Je considère que vous avez mangé à la sacristie, et que, du coup, vous avez votre après-midi de libre, notamment avec Lito, si jamais tu souhaites faire quelque chose avec lui. Tu sais, notamment, alors, peut-être que tu as quelque chose d'autre en tête, mais si jamais tu hésitais, tu pourrais toujours... voir ses plans pour recruter quelques anabaptistes un peu plus âgés du coup bah, que les enfants actuels. Mais pareil, ça c'est à toi de me dire. Oui, on est justement. C'est ce à quoi je pensais. Ok, ouais. Je m'en doutais. C'est justement d'aller faire le point avec Lito pour savoir du coup comment on avançait, parce que les enfants c'est bien, mais si on a besoin de faire des choses immédiatement, il nous faut des gens déjà un peu plus âgés. Donc, qu'est-ce qu'il en pense? Vous faites un petit tour dans, on va dire dans la, à Port-la-Gagne ou juste vraiment au niveau de la sacristie. Honnêtement, je pense qu'on doit se balader librement, un truc comme ça, tu vois, genre, voilà. On entend les mouettes et les bateaux. Bing, bing, bing. Vous vous baladez donc au niveau, vous promenez au niveau du port, pour vous, là on est en début d'après-midi, il commence à faire bon, mais le printemps a commencé. Du coup, bon, excusez-moi, je vais reprendre, du coup il fait bon, vous vous baladez au niveau du petit marché, comme dit vous entendez les marchands, un petit peu, cette image un peu cliché du marché, mais en même temps qui est réelle, qui négocie les prix, la nourriture et les Toulonis qui tentent d'acheter ce qu'ils peuvent auprès de ces derniers. Vous en profitez pour faire un petit peu le point sur la situation actuelle. En effet, Lito répond à tes questions et tes affirmations. C'est vrai qu'on manque de moyens et de monde. Je pense aussi que quelque chose qui nous manque, ce serait un signal fort qu'on pourrait envoyer à la ville pour marquer notre présence. Une manière de nous rendre indispensables. Il faut qu'on fasse quelque chose pour cet endroit et que les gens reconnaissent l'utilité de notre présence ici. Ça risque d'être compliqué, l'emprise qu'ont les autres cultes sur cette ville, c'est bien bien rodé. Les seuls endroits abandonnés ont que des mendiants ou ce genre de choses. Je vois mal ce qu'on pourrait faire. Sur le long terme, on pourrait s'en prendre à une nuée apocalyptique et essayer de nettoyer les rues, mais pour l'instant... on n'en a pas les moyens et honnêtement, je sais pas si on a envie d'une guerre. Dans tous les cas, il est inimaginable de tenter de s'en prendre à cette nuée noire ou des institutions trop grandes. Mais à l'occasion, on pourrait essayer de réfléchir à d'autres choses à faire. Au niveau du recrutement, j'ai entendu dire que il y avait quelques déserteurs qui s'aventuraient dans les terres putains de temps à autre, notamment dans les maisons de la honte. Ça pourrait valoir le coup d'aller faire un tour à l'occasion. Je sais aussi, je crois que je t'en avais déjà parlé, de cette vieille herboriste, une ascète, anabaptiste, oui. Qui doit habiter dans les marais. Ouais, qui est hors de la ville. On pourrait tenter de lui rendre visite à l'occasion, mais je me demande si t'avais pas prévu de faire un détour à la prochaine fois qu'on devrait se rendre voir Scarocante. Oui, justement, je pensais faire une pierre deux coups, mais je ne sais pas si c'est dans l'immédiat ou pas. Je dois avouer que j'en sais rien. Le temps ici est précieux, c'est plutôt une bonne idée. Sur le principe, en effet, maintenant, il faudrait voir à ce que on s'y rende au moins un jour pour une raison ou pour une autre. Ce qui pourrait très bien arriver. Sinon, j'ai peut-être une autre idée en tête, mais elle est peut-être un peu plus ambitieuse. Peut-être même un peu trop ambitieuse. T'écoutes. Il tousse quelques secondes. Et juste après, elle enchaîne. Je sais que même si les anabaptistes ont complètement déserté Toulon, notamment pour se rendre au nord, il y a également une autre piste que l'on pourrait envisager, c'est celle du sud. Il y a deux forteresses qui se nomment Kiribus et Péripertus, qui se trouvent un petit peu au nord de Perpignan. Alors, c'est sûr que c'est pas la porte à côté. Mais est-ce que ça pourrait pas valoir le coup d'aller leur rendre une petite visite à l'occasion ? Traverser le marais, passer par Montpellier, et nous rendre là-bas. Maintenant, si tu ne veux pas y aller toi-même, je pourrais par exemple m'y rendre en mission diplomatique. Pourquoi pas accompagner d'une personne ou deux ? Que ce soit Flux, s'il est de nouveau disponible, ou Lilith, par exemple, pour lui faire faire une première mission. Mais on peut aussi inverser les rôles. On peut aussi partir du principe que tu t'y rendes avec certaines de tes personnes et tenter de voir si on peut pas négocier différentes choses avec les personnes présentes là-bas. Peut-être que des accords commerciaux pourraient être lancés. Peut-être que Torik pourrait y trouver son compte aussi. Je suis pas tout à fait sûr, mais... Il y a peut-être une carte à jouer avec le fait de se faire des alliés en dehors de la ville, parce que, clairement, ici, personne veut de nous. Ouais. Qu'est-ce qui serait bon à gagner de la part de ces autres forteresses ? Honnêtement... Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Pardon ? Ce qu'il nous faudrait ? Ouais. Des hommes, des moyens. Peut-être que... Peut-être que si on leur trouvait, une raison d'exister, peut-être que les Libre Hispanie en guerre, il y a peut-être des assets anabaptistes qui ont été rapatriés vers le nord et qui se terrent dans les forteresses en attendant que ça se calme et qui aimeraient se rendre utiles. Autant les orgastiques, comme toi et moi en montant, sommes plus animés par l'envie d'un combat et de d'affrontement, autant on peut peut-être plus compter sur les assets et voir même qui sait un Élyséen pour tenter de venir supporter ici. Il pourrait aider à la culture au niveau de l'orphelinat. Et qui sait, on pourrait même, mais peut-être que je vois trop grand, essayer de s'accaparer des terres, les cultiver, faire du commerce. Après tout, ici, j'ai l'impression qu'ils mangent pas grand-chose d'autre que du poisson. Pour faire pousser du blé ou autre dans des marais, c'est pas le meilleur moyen, mais nous, on sait mieux que qui que ce soit comment faire pour transformer l'enfer en paradis. Et là-dessus, c'est toi la fureur de Toulon, donc ce sera toi qui décidera s'il est pertinent ou non d'envisager quoi que ce soit avec eux. Je pense que tu as raison. Et j'irai voir avec mes compagnons ce qu'ils pensent d'un voyage vers Perpignan, c'est ça ? C'est ça, c'est juste à côté de Perpignan, un peu au nord. Vers Perpignan, donc, pour en ramener des choses utiles, et pourquoi pas des gens utiles. Ce serait une bonne chose. Mais en attendant, peut-être qu'il serait bon d'aller voir les fameux déserteurs dont tu as parlé. Même si je fais pas spécialement confiance aux déserteurs. Oui. Oui, je suis plutôt d'accord. Mais bon, il y a peut-être une carte à jouer. On parle souvent de rédemption.